sourates du Mufassal vont de Qaf jusqu'à Amma. Ensuite, la partie médiane du Mufassal va de Amma jusqu'à Surat al-Duha. Et Qisar al-Mufassal vont de al-Duha jusqu'à Surat al-Nas. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu dans Surat pendant Surat al-Maghrib, Surat al-Tur, qui fait partie de Tiwal al-Mufassal. Surat al-Tur se situe entre Surat Qaf et Surat. Et Surat. Oui, elle est dans Tiwal al-Mufassal. Elle est entre Qaf et Amma. Elle est entre Qaf et Amma. Ce qu'on retient du hadith, ما يؤخذ من الحديث إن المشروع هو الجهر في صلاة المغرب. Premièrement, que ce qui est légiféré, c'est de lire à voix haute pendant صلاة المغرب. ثانيا, جواز إطالة القراءة فيها. Deuxièmement, ce qu'on retient du hadith également, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم qu'il est autorisé d'allonger la lecture pendant صلاة المغرب. Et ceci de temps en temps. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié une fois surat al-Maghrib en lisant quelle surat? Naam? Surat al-A'raf, ahsant. Et surat al-A'raf, il y a combien de hizb dedans? À peu près? Naam? Un, deux hizb et demi dans surat al-A'raf, à peu près. Il y a à peu près deux hizm et demi dans Surat al-A'raf. Donc une surat qui est longue, et ce qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissait cette habitude de lire, d'habitude, Qisar al-Mufassal. Car dans Surat al-Maghrib, l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de lire Qisar al-Mufassal, c'est-à-dire entre Surat al-Duha et Surat al-Nas. On اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك